alors que tu suis le chemin droit. Il faut jamais douter, n'écoute pas ceux qui te diront que t'es qu'un insensé. Un jaloux joue à trop de valeurs qui ont disparu et qui ont changé. Quand certains sont dans le malheur, ils trouvent personne pour les aider. Si tu bois pas et tu fumes pas, et parce que critiquer c'est mal. Si tu respectes toujours les femmes et que dès jamais tu parles mal. Pour toi voir un film violent, c'est vraiment pas un régal. Et que tu pardonnes les autres tout le temps, certains diront que t'es pas normal. Si tu déclares tous tes impôts et que t'es honnête avec l'État, tu respectes toujours la loi, y'en a qui te comprendront pas. Faut pas te laisser tenter, t'arrêtes pas d'agir toujours comme ça. Car la première au monde qu'on doit donner, toi et moi c'est celle-là. Et si t'es croyant, n'aie pas peur que ça soit pour toi un honneur. Fais jamais attention aux gens, ceux qui disent que t'es dans l'erreur. T'inquiète pas et prie pour eux, pour qu'un jour le Seigneur touche leur illumine les yeux, qu'il l'accueille dans leur cœur. Si on veut que le monde de demain, il soit un peu meilleur, aux jeunes faut leur donner la main, faut leur transmettre de vraies valeurs. Car ces futurs hommes de demain, c'est sur nous qu'ils prennent exemple. Faut leur montrer le droit chemin et les aider quand ils tremblent. Ne te change pas même si parfois on pense que t'es pas normal. Tant que tu suis le chemin droit, écoute pas tous les gens qui parlent. Si quieres cambiar tu forma de pensar, no te guies por los demás, harás mal, solo vas a fracasar. Ne te change pas même si parfois on pense que t'es pas normal. Tant que tu suis le chemin droit, écoute pas tous les gens qui parlent. Si quieres cambiar tu forma de pensar, no te guies por los demás, harás mal, solo vas a fracasar. No me cambiarás por nada del mundo, si no piensas igual. Me niego en rotundo, yo no quiero cambiar, aunque se acabe el mundo. No trato de enseñarte, solo quiero encontrarme, aunque el espíritu falte. Aunque se formen ataques promovidos por debates, yo sigo siendo igual aunque perdiese el combate. No soy un animal que solo busca alimentarse. Mi arsenal de ansiedad y contrastes que no comprendes. Compadre, respétame y respétate. Tampoco voy a ganar, solo parto de un empate. De una derrota que colmar, quién sabe. Si es cabeza o corazón lo que hace tener razón. Yo viajé con la pasión, comencé con la canción. Escondió en mi habitación, ahora todo vocación. Cambias por una traición, tu libre interpretación de cómo es la situación. Ne te change pas même si parfois on pense que t'es pas normal. Tant que tu suis le chemin droit, écoute pas tous les gens qui parlent. Si quieres cambiar tu forma de pensar, no te guies por los demás, harás mal, solo vas a fracasar. Ne te change pas même si parfois on pense que t'es pas normal. Tant que tu suis le chemin droit, écoute pas tous les gens qui parlent. Si quieres cambiar tu forma de pensar, no te guies por los demás, harás mal, solo vas a fracasar. Si tu travailles bien à l'école et qu'on se moque de toi, écoute pas tous ceux qui rigolent, continue les bons résultats. Ne te change pas, ne les écoute pas, car bien souvent tous ceux qui rient tard se retrouvent sans emploi. Ils regrettent et réétudient. Ya sé por qué me rendí, si esto no era para mí. Descubrí por fin mis ganas de vivir y por qué no ser así. Encuentra la verdad escondida para ti, búscala y dime si. Et moi je te dis que si, si. Parfois on dit que t'es trop gentil, faut que tu penses qu'à toi, les autres laisse-les dans leurs soucis. Moi je te dis continue comme ça, pour les autres faut être un appui. Car en faisant le bien autour de toi, tu te feras du bien aussi. Porque lloras, si tienes que resistir de lo que ahora añoras. Aprendiste a prescindir, ya llegó la hora de escuchar y no de oír lo que te devora. Que no es bueno para ti. Ne te change pas même si parfois on pense que t'es pas normal. Tant que tu suis le chemin droit, écoute pas tous les gens qui parlent. Si quieres cambiar tu forma de pensar, no te guies por los demás, harás mal, solo vas a fracasar. Ne te change pas même si parfois on pense que t'es pas normal. Tant que tu suis le chemin droit, écoute pas tous les gens qui parlent. Si quieres cambiar tu forma de pensar, no te guies por los demás, harás mal, solo vas a fracasar. Ne te change pas même si parfois on pense que t'es pas normal. Tant que tu suis le chemin droit, écoute pas tous les gens qui parlent. Si quieres cambiar tu forma de pensar, no te guies por los demás, harás mal, solo vas a fracasar. Ne te change pas même si parfois on pense que t'es pas normal. Tant que tu suis le chemin droit, écoute pas tous les gens qui parlent. Si quieres cambiar tu forma de pensar, no te guies por los demás, harás mal, solo vas a fracasar.